Voici votre plus récent bulletin d'information, le sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord du côté de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur côte à piste qui se déroulait en fin de semaine. Et Marianne Saint-Gelais a terminé au quatrième rang avec un temps de 44 secondes et 17 centièmes, ce qui est bon pour la quatrième place. L'équipe canadienne a terminé au relais au deuxième rang, au 3000 mètres, avec un temps de 4 minutes 9 secondes et 817 centièmes pour terminer en deuxième place. Deux défaites pour les Saguenay de Chicoutimi en fin de semaine. Les Saguenay qui ont perdu 4-2 contre le Phoenix de Sherbrooke. Kelly Kilima et Félix-Antoine Marcotte ont marqué des buts pour les Saguenay. Et vendredi soir, défaite de 6-3 contre les Vultures de Drummondville. Deux filets pour Kevin Kilima et le Russe Vladislav Kotkov a marqué un but et amassé une passe. Maintenant, les élites de Jonquière ont battu très facilement les Intrépides de Gatineau 8-1. Ça s'est déroulé vendredi soir. Mais Kissim à Washish de Mastuyache a marqué 4 passes. A noter également que Charles Tremblay a marqué un but et amassé une passe. Et hier soir, victoire plus serrée des élites, cette fois 3-2 contre le Phoenix d'Esther Blondin. Une passe chacun pour Mikissim à Washish, de même que Charles Tremblay. Dans la Ligue du Lac-au-Fleuve, maintenant, c'était le premier match de l'histoire à Clermont. Ça s'est déroulé vendredi soir. Un match hors concours, gain de Charlevoix 4-1 sur la Côte-Nord. L'équipe de Jean Dumas, multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini, vont affronter Jonquière en fin de semaine dans le premier match hors concours. Au niveau du junior régional, maintenant, gain des Marquis de Jonquière 7-3 sur les Éperviers de Normandin hier soir. C'était l'ouverture de la saison des Éperviers. Et autre gain, cette fois, des Marquis 5-3 contre les Sabres d'Orberval. Ligue midget régionale, maintenant deux défaites des Castors de Dolbeau. Ils ont perdu 6-4 vendredi soir contre les Saguenay de Chicoutimi. Et hier, ils en ont mangé toute une hier contre le Marcos Pub de Saint-Félicien 8-1. Les Rapides de Dolbeau-Saint-Félicien se sont inclinés 5-4 contre les Marquis de Jonquière au niveau Bantam. Deux gains, toujours dans la catégorie Bantam, des Hurricanes de Mastuyache. Ils ont gagné 6-4 et 5-1 contre les Basques de Sept-Îles. Et les Ambassadeurs de Chicoutimi ont gagné contre les Vikings de Baie-Comeau 2-1 et 3-1. Football, c'est un collégial maintenant, gain facile des Gaillards de Jonquière, 46-3 contre Drummondville. On sait qu'il y a 11 joueurs des Gaillards qui viennent de Dolbeau-Mistassini et des environs. Et toujours au football, défaite de 42-37 des Girondins d'Allemagne contre l'Apocatière. Le sport local et régional, à dans le sport.com, on s'en occupe.